Piste 15. Exercice 4. Les boutiques, les élèves, nous visitons, nous étudions, vous aimez, vous parlez, ils regardent, ils adorent.